Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Serge en votre compagnie pour un nouveau numéro de Coup de cœur. Les vacances se poursuivent, j'espère que ça se passe bien pour vous. Hélas, elles sont parfois ponctuées de nouvelles bien tristes. C'était le cas le 16 juillet dernier, la disparition de Jane Birkin. Depuis quelques jours, elle marchait de nouveau, était motivée de reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance, écrivait Charlotte Gainsbourg et Lou Doyle, dans le texte transmis par Olivier Glusman, manager de l'artiste. Ce premier soir seul chez elle aurait été le dernier. Elle l'avait décidé. Jane Birkin s'en est allée après 16 ans d'une bataille acharnée contre la maladie. Alors bien sûr, je ne la connaissais pas, mais je suis persuadé de deux choses. C'était une personne qui était généreuse, à l'écoute des autres, et également une personne très courageuse. On va la retrouver. Alors, je vous confie un petit peu toutes nos façons de fabriquer les émissions. Ça fait un mois que Jane Birkin nous a quittés. Et dans l'émission du 27 juillet dernier, on l'a écoutée avec Serge Gainsbourg. Et bien sûr, les émissions étaient enregistrées. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire allusion à sa disparition. Mais on le fait aujourd'hui. On va écouter un premier titre, Les Jeux Interdits. Et puis, on retrouvera Étienne Dao juste après. Chansons françaises, écoutez-les sur Fadjet. Je vous propose de retrouver Jane Birkin avec son dernier complice en matière artistique. Il a participé à son dernier album. C'est Étienne Dao, à qui nous avions rendu hommage lors d'un coup de cœur le 18 mars 2021. Oh pardon, tu dormes. Oh pardon, tu dormais. Je ne dors plus, tu vois bien. Le moment est parfait pour me dire si tu m'aimes.

Jet en mode vacances. Allez, je vous propose de continuer à flâner dans ce nouveau numéro au format d'été de coup de cœur. On va parler de Laurent Voulzy. Après 200 concerts, plus de 200 concerts en France, en Belgique et en Suisse, et sachez qu'il clôturera sa tournée Églises et Cathédrales fin 2023. L'occasion de redécouvrir ce spectacle hors du temps lors de cette série exceptionnelle de dernières représentations. Je vous signale qu'il sera les 29 et 30 septembre à la basilique Saint-Nicolas de Port. Notre coup de cœur du 21 janvier 2021. Il va chanter en duo. J'aime bien moi les duos. Il est accompagné de Véronique Jeannot. Alors Véronique Jeannot, j'étais à ses côtés. Pas le fait que je la connaisse non plus, mais j'étais à ses côtés lors d'un spectacle à l'Olympia, et c'est une personne qui est aussi gentille, aussi abordable qu'elle le paraît à la télé. C'est vraiment une superbe personne également. Désir, désir. Véronique Jeannot, Laurent Voulzy, c'est sur Fadjet, c'est dans Coup de cœur. Toujours pousser les soupirs. Ah, ah, ah, ah. deuxième du plaisir. Mon troisième c'est souffrir. Mon premier c'est plaisir. Mon deuxième le plaisir. Mon troisième c'est souffrir. Mon premier c'est plaisir. Rythme votre été. Allez, on sourit, c'est l'été, on essaie de faire un sourire à la personne qu'on croise. C'est plus tellement une habitude. Moi, les personnes que je croise dans la rue ou avec qui on est dans un couloir, n'importe, ils n'ont pas facilement le sourire. Allez, c'est l'opération sourire aujourd'hui sur Fadjet. On va écouter la chanson d'une belle histoire plutôt, j'ai du mal à m'exprimer. C'est celle de Samson et Dalila. Elle passe tout l'été avec nous en notre compagnie dans Coup de cœur. C'est Sheila qui nous la conte. FM ou sur Fadjet.net, où que vous soyez, Fadjet vous accompagne tout l'été. Une femme au regard bleu perçant qui est originaire d'une petite ville du nord de la France. Est-ce que ça vous parle ? Elle débute sa carrière comme chanteuse sur des compositions de Loulou Gasté. Du même coup, elle tombe amoureuse de cet homme de 20 ans son aîné qu'elle épouse en 1950, elle qu'elle ne cessera d'aimer toute sa vie et ce même au-delà de sa disparition en 1995. Il s'agit bien sûr de Lynn Renault qui a enchaîné les scènes en France mais aussi à l'international, New York, Los Angeles, Las Vegas, où elle est tour à tour chanteuse, danseuse, meneuse de revue, comédienne, présentatrice TV. Nos coups de cœur du 9 et du 16 juin 2022. Copacabana. Elle s'appelait Lola, elle était showgirl. Avec ses plumes et son chapeau, sa robe fendue de bas en haut. Elle chantait, dansait, tcha-tcha le meringue. Elle voulait devenir une star et Tony tenait le bar sur la piste bondée. Lola se déchaînait, ils s'aimaient tellement tous les deux qu'ils étaient heureux. La Hocopa, Copacabana, le point le plus chaud de la Havana. La Hocopa, Copacabana, passion et musique, ce sont les mots magiques. La Hocopa, comme ils s'aimaient. Un soir vint Rico en Borsalino, escorté par toute sa mafia. Il venait voir danser Lola. Quand elle eut fini, il l'appela vers lui. Rico alla un peu trop loin, alors Tony serra les poings, sautant par-dessus le bar, déclenchant la bagarre. Un coup de feu, du sang et des cris qui tua Tony. La Hocopa, Copacabana, le point le plus chaud de la Havana. La Hocopa, sera au Zénith de Nancy le samedi 13 janvier 2024. En effet, à partir d'octobre prochain, Michel Sardou part en tournée d'adieu. Je me souviens d'un adieu. Il avait déjà fait une dernière tournée, si l'on peut dire. Alors, qu'en pensez-vous ? Moi, personnellement, je pense qu'ils ont le droit de le faire, de dire je m'en vais et puis de revenir. Finalement, c'est qu'ils se sentent capables de le faire. C'est généralement qu'ils veulent faire plaisir à leurs fans, ça j'en suis persuadé également. Et puis ben, chacun est libre, vous y allez, vous n'y allez pas, vous le suivez dans son nouveau projet ou pas. Michel Sardou, on va écouter un des titres de Michel Sardou sur lesquels on peut danser facilement. Je ne sais pas si vous le connaissez, la même eau qui coule. Fadjet vous souhaite un très bel été. Après 8 ans d'amour avec son compagnon Julien, Chimène Badi a annoncé leur séparation. Eh oui, interviewée à l'occasion de la sortie de son album de reprise d'Edith Piaf, la chanteuse a également expliqué la raison pour laquelle elle ne souhaitait pas avoir d'enfant. La quadragénaire explique en effet ne s'être jamais sentie prête à être maman. Je la cite, « Mon instinct maternel fait que je m'occupe beaucoup de mes neveux et que je déplacerai des montagnes pour eux. » Vous pourrez la retrouver les 27 et 28 octobre prochains aux Folies Bergères à Paris, bien sûr. Elle était dans notre émission Coup de cœur, notre coup de cœur, le 22 juin 2023. Elle vous chante « La vie en rose ». Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va. Qui êtes des habitués de notre émission Coup de cœur. Vous le savez, on aime bien parsemer notre programmation de nouveautés, de nouveaux talents également. C'est le cas de Philippe Campion, un jeune auteur-compositeur d'une trentaine d'années, qui a sorti en 2022 un premier album qui s'appelle Éternel été. L'album est signé par le label indépendant Tôt ou tard, et c'est un label qui n'a pas son pareil pour repérer les talents de la nouvelle scène française. Je vous laisse le découvrir, ou pas, peut-être vous connaissez cet artiste, avec un extrait de l'album « Je pars, mais je reste ». Pour tout ce qu'on a fait, pour tout ce qu'on s'est dit, pour ce qu'il reste à faire, pour ce qu'on a grandi, pour mieux te revenir, pour mieux te retrouver, pour ne pas que vieillisse tout ce qu'on s'est donné, pour livrer l'ivresse et les rires et ta fougue et mes larmes. Ce qui fait que le jour n'est plus un drame. Pour ce qui m'a forcé à rester éveillé. Pour ne pas que pourrisse le soleil de l'été. Je pars mais je reste. Penser qu'on était une certitude. Je ne dis pas maintenant que tout est différent, mais c'est la saveur de tout ça qui prend à mon cou et fait trembler ma voix. Toi tu voulais le monde, moi je voulais le tien. Et c'est tout seul à présent que je me demande comment t'as bouleversé le mien. Alors pour nos secondes là-bas et pour les tiennes ailleurs. Voilà plus de 35 ans que Dalida n'est plus. Depuis toutes ces années, je vous rappelle que c'est Orlando, son frère, qui œuvre à faire fructifier son héritage artistique, notamment en publiant des coffrets, des éditions exclusives des titres de la chanteuse. Il gère également toutes ses apparitions télévisées. Notre coup de cœur dit 10 septembre 2020, Dalida, Femme et la nuit. La nuit. Fadjet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Ah, je vous comprends, vous êtes catastrophé, vous êtes dans un grand désespoir parce que vous avez découvert Fadjet en passant par Nancy, mais l'émetteur FM du plateau de Malzéville ne va pas à 100, 200, 300, 400, 500, 600 km, c'est pas possible. J'ai une solution pour vous, si vous voulez continuer à écouter nos programmes en direct ou retrouver toutes nos émissions en podcast, écoutez ce qui suit. Fadjet sur internet, www.fadjet.net. www.fadjet.net. Elle a 52 ans. En 2010, elle rencontre Grégory Quillac de la Brigade aquatique et subaquatique des sapeurs-pompiers de Paris. Elle le rencontre à Djibouti et l'épouse en 2012. Elle a un enfant prénommé Bixente Maxime. Sachez qu'il est opéré du cœur, ce petit bout de chou, avec succès. Elle est diététicienne, végétarienne, de religion catholique. Elle est également professeure de yoga et pratique la plongée sous-marine. En février 2021, elle confie lors d'une interview être en procédure de divorce avec son mari. Vous avez deviné, après Sainte Thérèse de Lisieux, la chanteuse Natacha Saint-Pierre rend hommage à Jeanne d'Arc dans son album Jeanne, paru le 30 septembre dernier. Un nouvel opus que la Canadienne défend désormais avec succès sur toutes les scènes de France. On l'écoute. Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, j'aurais aimé vous plaire et je désespère de venir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, Jeanne, si la vie est un rêve, que l'amour relève tout contre vous, Jeanne, au bois dormant. Vous prendriez ma vie, je prendrais votre main, nous irions dans un lit comme des amants. Fadjet vous souhaite un très bel été. Thank you. ciel azuré, vert ou mauve, pensez-vous passer à autre chose, vaudrait mieux fuir le bonheur du port, se sauve, se dire qu'il y a au fond des rainbows, toujours plus haut le sol, mais au port, radieux. Crois aux cieux, crois aux dieux, même quand tout nous semble odieux. Se sauve comme une petite souris dans un monde pauvre. À peine se voir, ne pousse que rose, ses yeux fiévreux. Fuir le bonheur de pas, se sauve, se dit qu'il y a over the rainbow. Toujours plus haut le sol, le port radieux. Croire aux cieux, croire aux dieux, même quand tout nous semble odieux. Que notre cœur est à sang et à feu. Fuir le bonheur de part, se sauve, avoir parfois envie de crier sauve. Qui peut savoir jusqu'où les choses et malheureux. Fuir le bonheur de part, se sauve, se dire qu'il y a au fond du rainbow, toujours plus haut le sol, le port radieux. Fuir le bonheur de part, tu ne se sauve. Tu m'aimes encore si tu l'oses. J'aimerais que tu trouves autre chose de mieux. Fuis le bonheur de peur, se sauve, se dit qu'il y a over the rainbow. Toujours plus haut le sol et le bas. J'aimerais vous présenter Philippe Le Richomme, mon metteur en valeur. Merci Philippe. Et là, il faut se dire au revoir. Je suis tellement heureuse que vous soyez venus. Ça fait tellement peur, mais ça fait tellement plaisir à la fois. C'est compliqué. C'est ça la vie. De Jeanne à Jane, il n'y avait qu'un pas à franchir. Nous l'avons franchi avec beaucoup de plaisir. On a retrouvé en cette fin d'émission, bien sûr, Jane Birkin, que nous n'oublierons jamais. Je ne vous oublie pas non plus. La semaine prochaine, ce sera un nouveau rendez-vous pour ces coups de cœur d'été inédits. C'est jeudi, bien sûr, à partir de 17h. Comme je vous l'ai dit précédemment, rien ne vous empêche de nous retrouver sur Internet, www.fadjet.net. Le podcast de cette émission sera disponible juste après sa diffusion en direct sur l'antenne. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine. Je l'espère, de vacances encore. Et puis, donc, rendez-vous jeudi. Salut !